L'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a inséré le 17 août dans son page Internet un écrit accusant les États-Unis d'avoir décidé d'installer en Corée du Sud un laboratoire d'armes biochimiques pour étudier les bactéries charbonneuses et le bacille botulinique et d'autres bactéries. Le même jour, il a reproduit sur l'Internet la critique contre Bakounet suiviste pro-américaine et fanat de confrontation fratricide et meneuse de la politique antipopulaire sous le titre « La présidente Valet ».